طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هناك سؤال لمن؟ Donc on a quelques questions à poser. C'est qui se sent capable d'y répondre? ما في شجعان. يلا يا يحيى. يحيى يعني ذكرنا أمس قاعدتين عظيمتين. ما هما؟ On a évoqué hier deux règles, يعني deux grandes قاعدة من قواعد الدين. نعم القاعدة الأولى أن العلم لا ينفع صاحبه إلا بالعمل به. Et donc la première règle c'est que la science ne profite à son auteur que si toutefois il la met en pratique. Donc celui qui ne met pas sa science en pratique, cette science-là ne lui est pas utile. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح القرآن حجة لك أو عليك. Et le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit dans un hadith authentique rapporté par Muslim que le Coran est soit pour toi ou soit contre toi. Comment le Coran il peut être contre toi? C'est-à-dire si il t'est parvenu des ayats et tu ne les as pas mis en pratique. نعم. طيب هذه القاعدة القاعدة الأولى. نعم. والثانية. الثانية أن الشارع لا يجعل شيئا واجبا إلا فيه خير كله. نعم. أو نعم راجح نعم. يعني أحسنت يا يحيى الله يبارك فيك. أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة. C'est-à-dire qu'Allah سبحانه وتعالى il n'ordonne pas une chose si toutefois, si ce n'est que cette chose-là, elle contient un bien pur, c'est-à-dire qui est dépourvu de tout mal, ou un bien plus grand que son mal. نعم. والفقرة الثانية نعم ايوه نعم فيه شر نعم كل ايوه شر او راجح يعني اي نعم نعم ولا ينهى عن شيء الا اذا كان مفسدته خالصه او راجحه اي الله سبحانه وتعالى ان تغدي با une chose si ce n'est que cette chose là le mal qui s'y trouve est un mal pur, c'est-à-dire dépourvu de tout bien, ou que son mal prévaut sur le bien qu'il s'y trouve. نعم. وهذا كله فقط لتعرف أن العلم لابد من العمل. وإن ثقل على بعض الناس فالإنسان يطمئن إذا عرف أن الله سبحانه وتعالى عليم حكيم وأنه يعني لا يأمر بشيء إلا إذا فيه مصلحة للعباد. Donc on a évoqué tout ça pour dire que pour appuyer que la science doit être mise en pratique. فكل من حضر هذه المجالس وسمع هذه الآيات وهذه الأحاديث عليه أن يطبقها. Donc toute personne qui participe ou qui assiste à ce genre d'assises et qui entend des hadiths ou des ayats, il se doit de les mettre en pratique. Et il se peut que certains versets et certains hadiths soient difficiles sur certains d'entre nous ou sur autres que nous. Lakin, l'insan, il doit se rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le sage et c'est lui le juste. Et que يعني, fait partie des ta'rifs de l'hikma, et fait partie de la définition de la sagesse, le fait de déposer les choses dans leur, à leur place. Na'am. Wa kadhalika kama taqaddama anna Allah subhanahu wa ta'ala la ya'mur bi shay'in illa idha fi maslaha. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il n'ordonne pas une chose aussi, si ce n'est que cette chose contient un intérêt pour le serviteur. Et il n'interdit pas une chose si ce n'est que cela contient un mal pour lui. فالإنسان même si ça des fois ça peut être difficile pour lui qu'il œuvre avec ce qu'il entend, il se doit tout simplement ou au minimum de se rappeler cette règle, cette grande qa'ida qui est que Allah subhanahu wa ta'ala la ya'mur illa bi shay'in fihi maslaha. Naam. Ahsant ya akhana Yahya. طيب المنهج يا أخانا عبد الملك هل هو يعني متساوي أو هل العقيدة هو المنهج أو هناك فرق في فرق وهل هذا بالإجماع أو في خلاف في خلاف نعم le fait que est-ce qu'il y a une différence entre la aqida et le minhaj on a vu hier que déjà, c'est un khilaf qui est apparu dans notre époque et qui n'y avait pas au temps des salaf al-mutaqaddimin. C'est pourquoi vous n'allez pas trouver des paroles des gens des qulun al-mufaddala, wa alaykum salam wa rahmatullah, qui évoquent cette divergence. Mais c'est un khilaf de notre époque et certains savants ont vu que, ou voient, sont de l'avis que la aqida et le minhaj c'est la même chose et d'autres sont de l'avis qu'il y a une différence. Et nous, l'avis qu'on voit le plus juste, c'est que, na'am, il y a une différence. Lakin, cette divergence qu'il y a entre les ulama, ça ne doit pas nous mettre du barda. Celui qui dit que l'aqida, c'est le minhaj, ma fi bas. Il y a pas de... c'est pas une histoire, tadat. C'est pas une histoire d'inimitié. Au contraire, s'il y a des savants qui ont dit cette qawla, enfin, al-muhim, nous, on retient qu'il y a un khilaf dans cette mas'ala, et que l'avis le plus juste, Wallahu ta'ala a'lam, c'est qu'il y a un farq bain hada wa hada. Na'am. Man qal bi anna al-aqida shay wa al-minha shay. Ta'arif ya Abdurrahman? Man yfarq bain hada wa hada? La bil'aqs, Sheikh ibn Baz la yfarq bain hada wa hada. Yaqul Sheikh ibn Baz anna al-aqida huwa al-minha. يعني ما هناك فرق بينهما شيخ الفوزان نعم يفرق شيخ الألباني نعم وشيخ مقبل نعم نعم نعم وكذلك شيخ ربيع وغيره من العلماء نعم طيب Et ceux qui veulent le livre, Inch'Allah, on peut leur envoyer par PDF sur leur portable. Tamam, tu t'occupes de ça, Abdelmoui. Naam. طيب, إذن المؤلف بدأ كتابه نعم بدأ كتابه بكتاب العقيدة. Donc, on a vu aussi que le مؤلف aussi il a commencé son livre par le chapitre ou par le livre de la عقيدة. Et que ça fait partie des usloubs et des façons, des manières d'Ahl Sunnah de prêcher. Il n'y a pas un prêcheur parmi Ahl Sunnah, que ce soit un homme ou une femme, que quand il appelle les gens Allah Azza wa Jal, il ne commence pas par lui expliquer le tawhid ou l'aqid al-sahiha. Bi khilaf al-firaq kullaha. Et ça, c'est contraire à ce que pratiquent les autres sectes. Car chacune de ces sectes, ils vont. Au lieu de commencer par le tawhid d'Allah Azza wa Jal, ils vont appeler les gens à leur innovation. Jama'at Tabligh, mathalan, yaqul man yaqoum wa yakhruj ma'ana dhaka al-yawm wa dhaka al-safar. Wa al-ikhwan al-muslimin, yani al-Tabligh, ils viennent et demandent directement qui c'est qui sort avec nous 3 jours ou là 40 jours ou là, yani autre que ça. Kadhalik al-ikhwan al-muslimin. L'Ikhwan al-Muslimin, bidat da'watuhum ila al-kursi. Ils vont parler de la direction, de la dirigeance. Dirigeance des gouvernements ou dirigeance des villes ou des pays. نعم وهكذا أما أهل السنة بداية الدعوة ونهاية الدعوة ووسط الدعوة كلها في التوحيد دونك أهل السنة eux leur prêche le début de leur prêche le milieu de leur prêche leur fin la fin de leur prêche il est sur quoi il est sur le توحيد basé sur le توحيد والعقيدة الصحيحة نعم donc juste après avoir dit كتاب العقيدة il a dit باب عناية المرأة المسلمة بالعقيدة الصحيحة donc il dit ensuite le premier chapitre chapitre l'intention portée ou l'intention que porte la femme musulmane bil'aqidati sahiha sur le, la croyance authentique na'am wa aqul idh biha tanju min 'adab Allah 'azza wa jall fi ad-dunya wal akhirah wa yarzuquha Allah biha wa bil'amal biha hayatan tayyibah yani donc il est important pour la femme que elle accorde une attention particulière et profonde à la aqida, à la croyance sahiha, parce que c'est de par cette croyance qu'elle va être sauvée du châtiment d'Allah Azza wa Jal, fi dunya wa fi l'akhira. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui accorder une bonne vie, c'est-à-dire dans ce bas monde et dans l'au-delà. Si toutefois elle a œuvré avec cette aqida, cette croyance. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, من عمل عملا أو من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit selon une traduction approximative et celui qui fait une bonne œuvre qu'il soit homme ou femme tout en étant croyant nous allons lui faire vivre une vie une bonne nous allons lui faire vivre certes une bonne vie. وَلَنَزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Et on va les récompenser de leurs œuvres de la meilleure des manières. نعم. فَهَذَا وَعْدُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِي لَا يُخْلَفُ الَّذِي لَا يُخْلَفُ Et ça, c'est la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il s'efforcera ou qu'il l'appliquera, نعم, pour toute personne qui accomplit ou qui œuvre avec cette aqidah, qu'il soit homme ou femme. نعم. وفي قوله المرأة المسلمة et au sujet de la parole lorsqu'il dit باب عناية المرأة المسلمة au sujet de cette parole المرأة المسلمة هناك إشارة أن تلك العناية لا تصدر من امرأة كافرة مشركة c'est une indication c'est une brève indication que cette attention portée à la عقيدة ne peut provenir que d'une personne ماذا مسلمة ça ne provient pas d'une personne كافرة أو مشركة مفهوم فالمشركة والكافرة من شأنها أنها ما تبالي بالدين parce que la femme qui est mécréante ou associatrice elle n'a aucune يعني attention elle ne porte aucune attention à cette religion et à la croyance نعم بل يعني عنايتها في هذه الدنيا mais au contraire يعني son intention est portée pure et simplement vers cette dunya الزائله نعم نعم فان هؤلاء النساء لا عنايه لهن بالعقيده والدين الصحيح نعم et c'est pourquoi يعني نعم ces femmes là n'ont aucune c'est-à-dire les femmes mécréantes et associatrices n'ont aucune attention sur la croyance et sur la religion authentique. Naam. Naam. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما نهى المؤمنين أن ينكحوا المشركات قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. Et الله سبحانه وتعالى il dit selon une traduction approximative et certes, Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَنْكِحُوا et ne mariez pas les femmes associatrices jusqu'à ce qu'elles croient, jusqu'à ce qu'elles aient la ferme conviction en cette religion. طيب. Et certes, une servante qui est croyante est meilleure qu'une associatrice, même si celle-là vous étonne. Elle vous étonne de par quoi? De par sa jamal, de par sa beauté, ou de par son argent, ou de par son rang social. Naam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de ne pas marier ce genre de femme. Tayyib. Thumma qala wala 'abdul mu'minun khayrun min mushrikin walau a'jabakum. Yani wala tunkihu al mushrikin hatta yu'minu. Hatta yu'min. Et ne mariez pas, c'est-à-dire les tuteurs des femmes ne doivent pas marier ces femmes-là à des associateurs. Et c'est-à-dire le servant qui est croyant est meilleur que l'associateur, même si celui-là nous étonne. Nous étonne par quoi? Soit par sa beauté, soit par son argent, soit par son rang social. Thumma qala Allah subhanahu wa ta'ala ulaika yad'una ila an-nar. Pourquoi? Parce que ces catégories de personnes, ils appellent à l'enfer. Na'am, ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal-maghfirati bi'iznihi. Na'am. طيب. وعند قوله العقيدة الصحيحة. Lorsque il dit باب عناية المرأة بالعقيدة الصحيحة. طيب, au sujet de la parole, la croyance authentique. وهي العقيدة التي توافق ماذا؟ C'est la عقيدة qui est en concordance avec quoi? Pour ceux qui ont cité hier. On a dit العقيدة منها ما هي صحيحة ومنها ما هي باطلة. الصحيحة ما وافق ماذا؟ C'est la celle qui est authentique, c'est celle qui est en concordance avec quoi? نعم. لكن شيخ العثيمين ذكرها كلمة. C'est celle qui est en concordance avec la réalité. نعم. Celle qui est en concordance avec la réalité. Celle qui est en concordance avec la réalité, on l'appelle عقيدة صحيحة. Et celle qui est en concordance ou qui n'est pas en concordance avec la réalité, on l'appelle aqida batila. Naam. Wa hadhihi isharatun ila annahu la yanbaghi li mithli hadhihi al-mar'a as-salihah an taghfal 'anha. Donc ceci lorsqu'il a dit l'aqida sahiha, l'inaya, l'attention portée vers de la femme musulmane pour la croyance authentique, il y a une indication en cela sur le fait que la femme ne doit pas être insouciante sur le fait d'apprendre cette croyance, d'apprendre ses règles. Et le fait aussi qu'elle ne doit pas se tourner vers les autres aqa'id al-batila, qu'elle ne doit pas se tourner vers les autres croyances erronées, égarées. Yani aqa'id al-firaq al-dal, comme les croyances que possèdent les sectes égarées. Naam. فالعقيدة يدخل فيها التوحيد بجميع أنواعه. Et dans العقيدة, le tawhid se trouve dans العقيدة, yani de tous ces genres, avec tous ces genres. لأن التوحيد عنده أنواع. لأن التوحيد أنواع. من يذكرها بالسريع؟ أنت le tawhid il a plusieurs catégories. Tawhid al-uluhiyya, ahsant. Tawhid al-rububiyya wa tawhid al-asma wa sifat, ahsant ya Rayan, Allah ybarak fik. طيب نعم فكل هذه انواع التوحيد يدخلون في العقيده. وقلنا أن العقيدة أصلها حديث جبريل, يعني لما سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. طيب التوحيد يدخل في أي كلمة من كلام النبي؟ التوحيد لا دون الحديث جبريل صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى جبريل دموند أو بخوفات صلى الله عليه وسلم. Qu'est-ce que la foi? C'est-à-dire l'iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que tu crois en Allah, que tu crois en ses messagers, que tu crois en ses anges, en ses messagers, en ses livres, et que tu crois au jour dernier et au décret, qu'il soit bon ou mauvais. Naam. Donc, quand on dit le tawhid, il rentre dans l'aqid, dans quel... Naam, mais dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alain, il t'a parlé, il t'a dit أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله و... يعني دون... ها, عندك أن تؤمن بالله الإيمان بالله يدخل فيه التوحيد بجميع أنواعه. نعم نعم. فالتوحيد الألوهية, donc le توحيد الألوهية c'est le fait d'unifier Allah عز وجل par l'adoration. Naam, c'est le fait d'unifier Allah Azza wa Jal par l'adoration. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul ya ayyuhan nabi idha ja'aka al-mu'minati yubayyi'naka 'ala an la yushrikna billahi shay'a. Ay wajh ad-dalala? Il est où, yani c'est d'où qu'on prend le dalil 'ala tawhid al-uluhiyya dans ce verset? Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ô prophète, dis à celles des croyantes qui viennent te prêter allégeance qu'elles n'associent rien en Allah Azza wa Jal. Qu'elles n'associent rien en Allah Azza wa Jal. Naam. Naam. Fahada huwa al-tawhid al-uluhiyya. Wa tawhid al-rububiyya huwa ifradullah bil-khalq wal-mulk wal-tadbir wal-risq wa ghayri dhalik. Donc le tawhid al-rububiyya, c'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans la création, c'est-à-dire le fait de savoir que c'est lui l'unique créateur de cet univers. Et c'est lui l'unique détenteur de cet univers, le Al-Malik, possesseur. Naam. Wa tadbir wa risq, c'est lui qui fait descendre le risque. Et kadhalika, c'est lui qui gère l'univers entier. Naam. Donc tout ça, cette croyance-là, c'est quoi? C'est, ça rentre dans le tawhid al-rububiyya. Tawhid al-rububiyya. Naam. قال الله سبحانه وتعالى قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Allah subhanahu wa ta'ala, il informe au sujet de Zacharia lorsqu'il a demandé à Mariam d'où lui provenaient ces fruits qu'elle avait dans sa salle d'adoration. Et min bab al-fa'ida, ils disent que c'était des fruits qui se trouvaient auprès de Mariam hors saison. Hors saison. C'est pourquoi il s'est étonné de voir la présence de ces fruits auprès de Mariam. Donc il lui a demandé d'où te proviennent ces fruits. Et Mariam de dire cela me vient d'Allah Azza wa Jal, et certes Allah accorde à qui il veut ou fait descendre son risque sur qui il veut et sans compter. Donc ça, c'est d'où qu'on prend le tawhid al-rububiyya min al-ayah. نعم إن الله يرزق من يشاء وهذا توحيد الربوبية. نعم طيب بقي توحيد ماذا؟ الأسماء والصفات. نعم وتوحيد الأسماء والصفات c'est-à-dire le توحيد des noms et des attributs, وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى به ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله. Donc, c'est le fait d'unifier Allah Azza wa Jal en lui attribuant les noms et les attributs qu'il s'est lui-même attribués, soit dans son livre ou soit sur la langue de son prophète, alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire la sunna authentique du prophète, alayhi salatu wassalam. Naam. Naam. Donc, هذا هو توحيد الأسماء والصفات. وكقوله قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. هذا من قال هذا القول؟ مريم. نعم. Donc comme Mariam a dit, comme il a été dit que Mariam a dit dans le Coran, dans surat Mariam, lorsqu'elle dit je cherche refuge auprès d'Ar-Rahman, de tout miséricordieux contre toi, si toutefois tu es un homme qui craint, un homme pieux. Ça, c'était lorsque Jibril s'est présenté à elle sous l'apparence d'un homme. Taïm. Et c'est d'où qu'on prend que le tawhid al-asma wa sifat? Il y a Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ismun min asma illahi azza wa jal. Naam. Wa kadhalika hadith al-bab. Et aussi, on va le voir dans le hadith qu'on va prendre dans le chapitre. Ayn Allah fi sama. Naam. طيب نعم إذن التوحيد يدخل في العقيدة نعم ومن العقيدة الإيمان بالملائكة il fait partie de العقيدة le fait de croire aux anges وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله et donc selon un hadith de Abi Huraira il dit que Jibril est venu ou s'est présenté au prophète عليه الصلاة والسلام et a dit يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب donc Jibril il informe le prophète عليه الصلاة والسلام que Khadija elle arrive et qu'elle a avec elle un récipient dans lequel il y a de la boisson ainsi que de la nourriture. فَإِذَا هِيَا أَتَتْكَ Donc, il lui dit, et si elle est arrivée auprès de toi, فَقْرِيُوا عَلَيْهَا السَّلَامِ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي Fais-lui passe-lui le salam, c'est-à-dire Jibril, il demande au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de passer le salam à Khadija, de la part de qui ? D'Allah Azza wa Jal. وَمِنِّي Et aussi de Jibril, alayhi salatu wa sallam. وهذه من الأدلة التي استدل بها العلماء على فضيلة خديجة على جميع نساء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، et ça fait partie des preuves que certains d'entre les علماء ont pris pour dire que خديجة c'est la meilleure femme du prophète عليه الصلاة والسلام. Donc Jibril lui dit ça, il dit au prophète صلى الله عليه وسلم passe lui le salam de la part d'Allah عز وجل ainsi que de ma part. وبشرها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب et fais-lui la bonne annonce d'une maison c'est-à-dire au paradis faite de perles et d'émeraudes une maison faite de perles et d'émeraudes لا صخب فيه ولا نصب il n'y aura dans ces maisons là ni de cris ni de fatigue ومن باب الفائدة les ulémas au sujet de ce hadith là ils ont expliqué que pourquoi elle a eu ce grand mérite et ce grand bienfait, Khadija ? Parce que sa maison, jamais elle a élevé la voix sur le prophète, alayhi salatu wassalam. Jamais elle a élevé la voix sur le prophète, alayhi salatu wassalam. Jamais elle a provoqué que le prophète, alayhi salatu wassalam, lève sa voix. Donc sa maison, comme elle était bidoun sahab, comme sa maison, autant de... comme sa maison, c'est-à-dire lorsqu'elle était mariée au prophète, alayhi salatu wassalam, il n'y avait aucun... aucune chamaillade ou aucune dispute, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a récompensé d'une maison fil jannah où, pareil, il n'y aura aucune dispute. Et minbab kadhalik, stafadul ulama, ala anna, ils ont pris aussi de ce hadith-là que c'est une chose qui est impératif que la femme, elle s'applique à mettre en œuvre. C'est-à-dire de faire de sa maison une maison calme, une maison pleine de quiétude, et pas une maison où on n'entend que des cris, soit entre elle et son mari, ou entre elle et ses enfants. Et les ulémas, ils ont dit que ceci est encore plus applicable à la femme qui est mariée à un talib al-ilm, ou un da'i l'Allah. Donc ça c'est ce genre de preuve, c'est encore plus applicable pour une femme qui est mariée à quelqu'un qui recherche la science, ou qui appelle à Allah. Pourquoi ? Parce que celui qui appelle à Allah, subhanahu wa ta'ala, il va rencontrer du mal que personne, Obama, ne peut égaler dans fi hadhihi ad-dunya. Lianna, an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yaqul, ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, les plus éprouvés dans ce bas monde sont les prophètes. Et ensuite vient ceux qui s'y apparentent. Donc celui qui appelle Allah, il sera amené à avoir des épreuves. Donc s'il est avec une femme qui le renforce et qui l'apaise, comme Khadija, elle pouvait apaiser le prophète alayhi salatu wassalam et le rassurer, comme on l'a vu dans le hadith al-Wahi, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cru que il allait périr, elle lui a dit kalla wallahi lan yudayyi'aka Allah. Lorsqu'elle a dit mais non, par Allah, jamais Allah il te laissera. Ça c'est un soutien qu'elle a apporté à son mari. Na'am. Fal ulama na'am. نعم فالعلماء استفادوا من ذلك هذا الكلام دوك نعم وهذه فائدة خارج عن الدرس طيب وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل يقرأ عليك السلام et donc c'est venu aussi d'après Aïcha que le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit c'est-à-dire à Aïcha que Jibril lui passe le salam قالت وعليه السلام ورحمة الله نعم وعليه السلام ورحمة الله طيب لا ندعو باب الإيمان بالملائكة il est où le dans le hadith de Aïcha il est où la chose qu'elle montre qui montre la foi aux anges Jibril جاء أي نعم أنها ردت السلام عليه Le fait qu'elle ait renvoyé le salam de Jibril. C'est qu'elle a cru qu'il est là, qu'il est موجود. Na'am. Na'am. طيب. ومن العقيدة الصحيحة الإيمان بالكتب. Et parmi les عقيدات authentiques, le fait de croire aux différents كتب célestes. Combien vous en connaissez des livres célestes ? أربعة. ما هي ? Le Coran, et c'est le plus honorable des livres célestes. Coran, la Torah, l'Injil, le Zabur, et le feuillet d'Ibrahim. Naam, khamsa. Et il y a probablement des kutub autres que nous connaissons. Mais ce que nous connaissons, nous croyons. Ce qu'on a connaissance, on doit croire en ces livres. Naam. Et on croit que c'est des livres venant d'Allah Azza wa Jal. قال تعالى ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il évoque Maryam, la fille de Imran, qui a préservé sa chasteté et dans laquelle il a envoyé son esprit. وصدقت بكلمات et elle a rendu véridique la parole de son Seigneur ainsi que ses livres وكانت من القانتين et elle faisait partie des dévots نعم donc là on voit clairement la foi qu'avait Maryam dans ماذا الكتب نعم ومن العقيدة الإيمان بالرسل et parmi les عقيدات الصحيحة الإيمان بالرسل Le fait de croire aux messagers. وَدَلِلُ ذَلِكَ حَدِيثُ الْبَابِ Et donc la preuve de cela, c'est le hadith qu'on va voir, c'est-à-dire le hadith de la servante qui dit, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demande « أَيْنَ اللَّهِ ?» Et elle dit « فِي السَّمَا » ثُمَّ قَالَ مَنْ أَنَا قَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ Elle dit que tu es le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait qu'elle ait cru que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça prouve la foi aux messagers. Car le fait de croire en un seul messager, yastalzim al-iman bi baqiyat ar-rusul. Car le fait de croire en un seul messager, ça implique le fait de croire en tous les messagers. Et celui qui mécroit en un messager, il a mécru à tous les messagers. Na'am. Na'am. Tayyib. Wa min al-imani aw min al-aqidati al-iman bil yawm al-akhir. Et parmi la croyance, le fait de croire au jour du jugement dernier. Ka hadith Aisha, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal, tuhsharuna hufatan uratan ghurlan. Vous allez être ressuscité hufatan, pieds nus, uratan, nus, ghurlan, non circoncis. Non circoncis. Qalat Aisha tu. يا رسول الله الرجال والنساء ينظرون بعضهم الى بعض donc عائشة elle s'est étonnée elle a dit mais si on est tous nus comme ça يعني ça veut dire que les hommes ils vont regarder vers les femmes et vice versa. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أشد من أن يهمهم ذلك أو ذاك. Et donc le prophète صلى الله عليه وسلم il lui répond que l'affaire sera tellement difficile le jour du jugement dernier qu'ils seront pas, ils ne penseront même pas à se regarder les uns les autres. من شدة الهول من شدة يعني الأتعاب ومن شدة الموقف. Et ceci à cause de la dureté de la situation. يوم القيامة. Les gens ne penseront même pas à se regarder, même si ils se trouvent nus. نعم. فهذا كذلك تفيد الإيمان بيوم الآخر. نعم. ومن على عقيدة الصحيحة الإيمان بالقدر خيره وشره. Et parmi la aqida authentique, le fait de croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. كما في حديث أم عطية comme dans le hadith de Umm Atiya, lorsqu'elle dit أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة أن لا ننوح. Le prophète صلى الله عليه وسلم a pris de nous, lorsque on lui a prêté serment d'allégeance, que nous n'allons pas accomplir le nouh. Le nouh, c'est une kalima en arabe qui signifie le fait, lorsque tu entends un décès, le fait, lorsque la personne entend un décès, qu'elle se frappe le visage et que le décès d'un de ses proches, qu'elle se frappe le visage et qu'elle se déchire les vêtements. En général, c'est les femmes qui font plus ce genre de choses. C'est pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a pris le ferme engagement des compagnons, des femmes des compagnons, des sahabiyat, de ne pas faire ce genre de choses lorsque elles seront éprouvées de la perte de proches. Naam. Et donc cette compagnon, elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris cet engagement de nous lorsqu'on lui a prêté allégeance. Fama waffat minna imra'atun ghayra khamsin. Et il n'y a pas une femme qui a respecté cet engagement, c'est-à-dire le fait de ne pas crier et se déchirer les vêtements ainsi que de se frapper le visage lorsqu'on lui informe de la mort d'un proche, il n'y a pas parmi les femmes des Sahaba qui ont respecté cette affaire-là, illa khamsa niswa, si ce n'est 5 femmes. Hada tab'an bi hasab ilm hadhi al-mar'a. Ça, c'est en fonction de sa connaissance à cette femme-là. Wa illa rubbama akthar hunak akthar man iltazam bi hada. Parce qu'il se peut qu'il y ait d'autres femmes qui ont tenu cet engagement. Mais en fonction de sa science, cette femme-là, Umm Atiya, elle dit qu'il n'y a que 5 personnes parmi les femmes qui ont tenu cet engagement. C'est quel engagement, Abdelmalek ? Quel engagement ? Naam, de ne pas se déchirer les vêtements, de ne pas crier lorsqu'on lui annonce l'approche d'un la mort d'un proche. Naam. Wa hadha fihi dalil ala madha? Ala anna min al yani ala anna yajib al iman bil qadar. Naam. Wa anna dhalika dakhil fi al aqida al sahiha. Donc ce qu'on vient d'évoquer là, yani al iman billah wa kadhalika bi malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi واليوم الآخر كل هذه والقدر كل هذه من أركان الإيمان. Tout cela s'appelle en vérité les piliers de la foi. C'est-à-dire l'aqida, elle repose sur ces bases-là, sur ces 6 points, 6 bases. نعم. وإنما المؤلف اقتصر على ذكر حديث واحدا اختصارا. Le مؤلف, l'auteur du livre, lui, il n'a évoqué qu'un hadith de manière, parce que son livre, il a voulu que ce soit un livre résumé. C'est pourquoi il ne s'est pas élargi sur le sujet. Naam. Naam. Wa amma hadith al-bab fa huwa al-hadith al-mashhur hadith al-jariya. Mais au sujet du hadith qu'il a évoqué juste après, juste en dessous de ce chapitre, c'est un hadith qui est bien connu. وساقه المؤلف مختصرا. C'est-à-dire le mu'allif le livre de l'auteur du livre, il a évoqué ce hadith d'une manière résumée. Mais nous, Inch'Allah, on va le lire d'une manière complète, de manière à ce que on stafide de certaines masail qui sont évoquées. Naam. Donc ce hadith, il a été rapporté par Muslim et il n'a pas été rapporté par Al-Bukhari. إن فرض به مسلم نعم قال عن معاوية ابن الحكم دونك سي حديث معاوية ابن الحكم السلمي قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم دونك j'étais en train de le hadith commence à partir de là de معاوية الحكم ابن الحكم qui dit que j'étais en pleine salat avec le prophète d'Allah Azza wa Jal, lorsque un homme a éternué, c'est-à-dire ils sont dans la salat et un homme a éternué. Fakultu yarhamuk Allah. Et j'ai dit qu'Allah te fasse miséricorde. C'est la parole à dire lorsque quelqu'un éternue. Seulement cette parole, elle est bonne de dire hors salat. Ah, mais dans la salat, il n'est pas permis de parler. Comment on va le voir? Taïb. قال قلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم et donc les gens ils sont retournés vers lui avec leur regard et l'ont regardé et ils sont dans leur salat mais dès qu'ils ont entendu cette parole là tous ils sont retournés vers lui نعم فقلت واثقل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي؟ Donc il leur a dit, et pourquoi vous me regardez? C'est-à-dire cet homme-là, il est dans la salat. Il voit que les gens ils le regardent et il leur dit pourquoi vous me regardez? Malgré qu'il est dans la salat. قال فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. Donc après quand il a commencé continuer à parler, les gens ils ont commencé à faire comme ça, à taper sur leurs cuisses pour lui faire comprendre que il doit pas parler. فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. Donc lorsque je les ai vus faire cela, je me suis tu. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. Et donc le prophète, il a continué sa prière jusqu'à ce qu'il ait terminé sa prière. Et le compagnon, il dit, par mon père et ma mère, je n'ai pas vu un meilleur professeur, ni avant, ni après ma vision du prophète, alayhi salatu wassalam. Fawallahi ma kaharani, wala darabani, il ne m'a pas frappé, wala shatamani, il ne m'a pas insulté. Wa qala, inna hadhihi as-salah, لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءه القران. Et donc le prophète صلى الله عليه وسلم lui dit cette prière il ne lui convient pas, il y a la moindre chose parmi les paroles des gens, cela ne convient pas à cette prière, mais tout au contraire cette prière se compose de tasbih wa takbir, takbir fait dire Allahu akbar, wa qira'at al-quran. نعم. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله. Donc ensuite le prophète sallam cet homme là quand il a vu la bonne éducation du prophète sallam et son bon comportement, ça l'a poussé à poser des questions au prophète sallam. فقال يا رسول الله إني حديث عهد بالجاهلية. Je suis nouveau dans l'islam, ça fait pas longtemps que je me suis converti à l'islam. وقد جاء الله بالإسلام. Et donc, certes, Allah est venu avec l'islam. Wa inna minna rijalan ya'tun al-kuhan. Et parmi nous, il y a des gens qui vont chez les sorciers. Qala fala ta'tihim. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ne va pas chez eux. C'est-à-dire, c'est les sorciers. Qala wa minna rijalan yatatayyarun. Et il y a parmi nous des gens qui croient aux mauvais augures. قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يسدنهم. قال أبو ابن صالح فلا يسدنكم. Donc le prophète sallam il lui répondit ceci c'est-à-dire le mauvais augure est une chose qu'ils trouvent dans leur poitrine, mais que cela ne les arrête en rien, parce qu'ils disent que un des remèdes contre le mauvais augure c'est que il ne t'arrête pas de faire une œuvre. Par exemple, si tu vois le يعني من كلام الناس ان الغراب اذا رايته يمشي من جهه ربما اليوم هذا سوء او شر فلا تخرج هذا باطل وعلاج ذلك انك تخرج comme le fait par exemple de croire que si le corbeau il vole près de ta maison par exemple ceci ça signifie que cette journée là elle est mauvaise reste chez toi c'est mieux ça fait partie du mauvais augure et pour combattre ce mauvais augure le fait de ne pas s'arrêter à ça c'est-à-dire tu sors de chez toi et tu fais ce que tu as à faire comme tu devais le faire. Naam. Fa hadha ma'na qawlu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fala yasuddannakum. Que cela ne vous empêche pas de faire ce que vous avez à faire. Naam. Qala qultu wa minna rijalun yakhuttun. Et parmi nous, il y a des hommes qui pratiquent le khat, c'est-à-dire ils font des traits sur le sol et avec ces traits-là, ils arrivent à deviner certaines choses. C'est une sorte de science en relation avec la sorcellerie. C'est une sorte de science en relation avec la sorcellerie. Qala kana, et donc il lui dit, cet homme-là, il dit au prophète, il y avait des gens qui pratiquaient cela. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kana an-nabiyyun min al-anbiya yakhuttu faman wafaqa khattahu fadhak. Et le prophète sallam il dit il y avait un prophète parmi les prophètes qui écrivait du khat sur le sol. Donc celui qui arrive à faire le même khat que lui, c'est une yani ma fi bas. Wa hadha c'est parmi ishkal al-hadith. Ça fait partie des mashakil ou des problèmes du hadith. Mais inchallah on le verra dans un autre dars. طيب قال وكانت لي, et à partir de là c'est la partie que il n'a pas évoqué l'auteur mais la partie que on va essayer de détailler la partie importante du hadith. قال وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية. Donc il dit cette même personne, j'avais une servante qui allait faire paître mon bétail, ou plutôt mes moutons, vers la montagne de Uhud, ou vers Al-Jawaniya. فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا الذِّئْبْ قَدْ ذَهَبَ بِشَاتٍ مِنْ غَنَمِهَا. Et je suis parti à sa rencontre un jour, et j'ai trouvé que dans mon troupeau, il y a un mouton qui a été dévoré par un loup. قال وانا رجل من بني ادم اسف كما ياسفون. Et moi je suis un homme parmi les hommes parmi les enfants d'Adam. Je m'énerve comme ils s'énervent. لكني سككتها سكتا. Mais je lui ai mis une gifle, yani une grosse gifle. يعني سكيتها سكتا بمعنى ضربتها ضربا شديدا. Donc il a mis une gifle à qui? À sa servante. نعم. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. Donc je suis parti voir le prophète صلى الله عليه وسلم et je lui ai expliqué, et le prophète صلى الله عليه وسلم il s'est énervé. فعظم ذلك علي. Il a rendu cette œuvre là yani grande. C'est-à-dire il a vu que j'ai fait un mal énorme. فقلت يا رسول الله أفلا أعتقها. Donc ce compagnon, lorsqu'il a vu la colère du prophète صلى الله عليه وسلم par rapport à son œuvre, il a dit au prophète d'Allah, est-ce que je peux la franchir? Parce que c'était une servante, une esclave. Il dit, est-ce que je peux la franchir? فَقَالَ اِتِنِي بِهَا. Et donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a demandé qu'il vienne avec elle. فَأَتَيْتُهُ بِهَا. Donc je suis venu avec elle. فَقَالَ لَهَا أَيْنَ اللَّهِ. Et donc quand il est venu avec elle, c'est là que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a demandé, où est Allah? Où se trouve Allah? قَالَتْ فِي السَّمَا. Et elle a dit, au-dessus des cieux. فَقَالَ مَنْ أَنَا. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, et qui je suis? Et elle a dit, أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tu es le messager d'Allah. فقال النبي صلى الله عليه وسلم. Donc, et donc le prophète صلى الله عليه وسلم il dit, اعتقها فإنها مؤمنة. Libère-la, affranchis-la, car elle est croyante. Donc ça, c'est le hadith بأكمله. Et nous, la partie qui nous intéresse de ce hadith, c'est justement le fait que il a frappé cette servante et que le prophète, alayhi salatu wassalam, s'est fortement énervé contre ce compagnon. Donc, hunaka mas'alatun. Donc, à partir de cela, on va voir une mas'ala qui est très importante de voir. Wa huwa, est-ce que il est permis à l'homme ou au mari de frapper son épouse? عندك يا ريان عندك ما يجوز ما يجوز مطلقا ما يجوز مطلقا احسنت يا بطل هذا اخونا ريان يقول لا يجوز حرام لا يجوز ما في تفصيل حرام دونك يا بعض يعني اخونا ريان يدي كو سي با بيرمي سي حرام pour l'homme de taper sa femme. نعم من يقول غير ذلك؟ ها؟ على حساب الأسلوب. على حساب الأسلوب. En fonction des caractères ou là en fonction de la manière. نعم. أصحابنا أبا هند ما عندك؟ pas brutalement. أحسنت. طيب. إذن يجوز ولا ما يجوز يجوز في تفصيل في تفصيل نعم في تفصيل تفصيل أحسنتم الجواب أن الله سبحانه وتعالى قد حرم على كلا الزوجين بل على عموم الخلق الظلم والتعدي donc la réponse c'est tout d'abord que Allah سبحانه وتعالى il a interdit aux deux maris, aux couples plutôt, il a interdit aux couples, ou plus que cela, il a interdit à toute la création de commettre de l'injustice et de la transgression. Naam. وَلَا رَيْبَ أَنَّ فِي ضَرْبِ الزَّوْجَ بِلَا مَسُوغ شَرْعِ أَذِيَّةٌ لَهَا وَاَعْتِدَاءٌ عَلَى حَقِّهَا. Et il n'y a pas de doute que le fait de frapper l'épouse sans qu'il n'y ait de raison valable ou sans qu'il ait, que cela soit conforme avec la législation, il y a en cela un tort commis à la femme et une transgression de ses droits. فَإِنَّ مِنْ حُقُوقِهَا الْمُعَامَلَةِ وَالْمُعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ car parmi les droits de la femme, la bonne cohabitation ainsi que les bons échanges entre elle et son mari. قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a dit et à elle ce qu'il vous impute à vous-même comme يعني comme bonne chose. C'est-à-dire ce que vous allez demander pour vous-même, vous le devez le donner à elle-même. مفهوم؟ نعم. قال وقال تعالى وعاشروهن بالمعروف et cohabiter avec elles d'une bonne cohabitation وقد حرم الله عز وجل ابقاء الزوجه في العصمه بقصد اذايتها ومضارتها وسمى ذلك اعتداء وظلما قال تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا طيب et الله سبحانه وتعالى il a fermement interdit au mari de maintenir sa femme, c'est-à-dire mariée à lui, mais d'une manière où il veut lui faire du tort. D'une manière où il veut lui faire du tort. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit cela et il dit « وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ذِرَارًا لِتَعْتَدُوا » et ne les retenez pas, c'est-à-dire prisonnières, pour leur faire du tort. Ne les retenez pas, يعني, l'homme ne retient pas sa femme ou ne reste pas marié avec elle si ce n'est yani, qu'il veut son, yani, sa maslaha à lui et la maslaha de son épouse. Mais s'il veut lui faire du tort, fa la yambari dhalik. Il ne lui est pas permis cela. Naam. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَ. Et celui qui fait cela, c'est-à-dire qui retient sa femme pour lui faire du tort, هَذَا, il a fait du tort à lui-même. Il a fait du tort à lui-même. وَعَلَيْهِ فَضَرْبُ الزَّوْجَةِ بِلَا مَسُورْ مِنَ الْاِعْتِدَاءِ وَالظُّلْمِ الَّذِي لَا يَجُوزُ. Donc, on prend de tout cela que le fait de frapper la femme sans qu'il n'y ait de raison et, sans, et d'une manière contraire à la législation, cela est interdit. وَلَكِنْ مع مراعاة الضوابط الشرعية في ذلك فقد نص الله عز وجل في كتابه العزيز أن ذلك ماذا أن ذلك جائز. نعم. Et donc donc le fait de frapper la femme sans raison et d'une manière qui n'est pas légiférée, هذا حرام بلا شك. لكن le fait de prendre en considération yani, les limites fixées par la législation dans cela, c'est-à-dire dans le fait de frapper la femme, fahada, celui qui pratique yani, à la lettre ce qui est venu du kitab et de la sunna, fidalik, fahada jaz, ceci est permis. Ceci est permis. Naam. Qala. Naam. ومن يحفظ الدليل ها قال الله سبحانه وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. Et donc Allah سبحانه وتعالى dit, et celles qui sont désobéissantes, faites-leur des sermons et ensuite éloignez-vous d'elles au lit. Puis, si toutefois tout cela ne marche pas, frappez-les donc. Et si vous voyez qu'elles vous écoutent après, alors cessez tout reproche. Naam. Ahsant. Cessez tout reproche. Naam. Donc, هذه الآية تدل على جواز ذلك. Donc ce verset, il indique le fait qu'il est permis. Bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مَا ضَرَبَ وَلَا مَرَّةً وَاحِدَةً إِحْدَى زَوْجَتَيْهِ. Et bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais tapé, ne serait-ce qu'une seule fois, l'une de ses épouses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la meilleure des guidées est sa guidée. Naam. فنحن نقول هذا من حيث الجواز أما من حيث الأفضل فترك ذلك أفضل لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن من حيث الجواز فيجوز. Donc nous on dit ça, on parle de la مسألة de frapper la femme, c'est-à-dire comme il est venu dans le Coran, pour affirmer que ceci est une chose qui a été légiférée, qui est permis. Mais la meilleure des choses, c'est de ne pas en arriver jusqu'à là. Naam. Et كذلك parmi les choses qu'il faut savoir, ولا يجوز الضرب إلا بمراعاة الترتيب المذكور في هذه الآية. C'est-à-dire que les savants, ils ont dit qu'il n'est pas permis de frapper la femme si ce n'est après avoir accompli l'organisation évoquée dans le verset. C'est-à-dire première chose, أن تواعظهن, le fait de faire des nasa'ih, tawjihat, yani de faire le fait de les sermonner. Naam. Taïb. Deuxièmement, le fait de s'éloigner d'elle au lit. Et si tout cela ne marche pas, famin huna jaz an yasil ila hada al-amr. Et donc si toutefois tous ces moyens ne marchent pas, alors c'est à ce moment-là que il est permis de d'en venir à ce moyen. طيب. هنا مسألة وبها ننتهي. ما هو ضابط الضرب؟ Quelle est la limite autorisée dans la frappe? c'est-à-dire le ad-darb. Naam. ايوه ذكر ذكر هذا وهذا غير صحيح هذا غير صحيح ذكر ان ابن عباس يعني كم كوا سي لو فيت دو فرابي لا فام ne serait-ce qu'avec un siwak avec un siwak ou quoi que ce non le صحيح c'est pas ça c'est-à-dire que il faut que ça soit une يعني on va dire un coup qui ne c'est-à-dire ni ne lui laisse de traces ni ne casse un de ses membres ou ni kadhalika un coup qui est dur mais non plus c'est pas non plus une caresse c'est pas non plus une caresse le but visé par le verset c'est pas non plus une caresse il dit c'est une frappe qui ne doit pas être c'est un coup qui ne doit pas être dur n'am n'am et kadhalika là fi le wajh fa taktubun qalu al ulama donc dawabit al ad-darb quelles sont les limitations du coup yani al awwal an la yakuna ad-darb mubarrihan que la première des choses que le coup ne soit pas dur shadid mubarrih douloureux que le coup ne soit pas douloureux n'am Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Hajjat al-Wada', il dit « Wadribuhunna darban ghayr mubarrih » Lorsqu'il explique le verset, « Frappez-les, mais sans que cela soit une frappe douloureuse. » Naam. Taïb, hada, wahid. Thaniyan, an la yadribha ala al-wajh, ala wajhiya. Et qu'elle ne soit pas frappée à son visage. Les hadiths Muawiyah ibn Hayda, et en preuve de à la pluie de cela, le hadith de Muawiyah ibn Haydata, qui dit que il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma haqqu zawjati ahadina alayh, quel est le droit de l'une de nos épouses sur son mari. Qala an tut'imaha idha at'amta. Ou idha ta'amta. Naam, idha ta'amta. Que tu parmi ses droits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui explique que tu la nourrisses lorsque tu te nourris. Wa taksuha idha iktasait. Que tu la vêtisses lorsque tu te vêtis toi-même. ولا تضرب الوجه et tu ne la frappes pas au visage ولا تقبح et tu ne lui dis pas des mauvaises paroles comme des insultes ou autres donc deuxièmement on a dit لا ضرب على الوجه ولا يشمت ولا يشتمها بالتقبيح et il ne doit pas l'insulter de mauvaises paroles Et il ne doit pas l'insulter de mauvaises paroles. Non. Par rapport au hadith qu'on vient de voir là. Le hadith de Muawiyah ibn Haydata. Taïb. Al-Rabi' Quatrièmement. An yastashib athna hadhi al-mu'amala an al-qasd husul al-maqsoud. Et il doit avoir conscience parmi aussi les choses que les ulémas ils ont dit, ils ont limité sur le fait وَجَعَلُوهَا مِنْ ضَوَابِتْ le fait que il doit avoir conscience lorsque la personne doit avoir conscience lorsqu'il prend lorsqu'il fait une telle chose qu'il doit avoir un but c'est-à-dire il doit avoir le but en tête qu'il veut améliorer sa femme et non pas c'est juste une vengeance et non pas une vengeance et une confrontation n'am. N'am. وكذلك الاخير ان يكفي عن هذه المعامله اذا حصل المقصود et qu'il s'arrête de pratiquer cela si toutefois son épouse elle s'est mis droite ou elle est revenue dans le droit chemin. Naam. Donc cette chose-là, qu'on a dit Darb al-Nisa, donc selon ces dawabit qu'on vient de voir, il est permis. Mais comme on vous l'a dit, le meilleur c'est la guidée du prophète alayhi salatu wa salam. وبه ننتهي وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك